Il fut un temps où tout était simple et surtout tout était immobile. Seulement depuis la fin du siècle dernier, il est devenu à peu près incontestable que l'univers est en expansion. Incontestable certes, mais avec cette expansion sont apparus un certain nombre de problèmes. Comment est-on passé en 10 puissance moins 30 secondes d'un univers infiniment concentré à un univers qui a quasiment la taille qu'il a aujourd'hui? Et aujourd'hui d'ailleurs, à quelle vitesse s'étend-il encore? Selon que l'on regarde les origines de l'univers ou la vitesse à laquelle s'éloignent en ce moment les étoiles proches, on obtient des valeurs différentes. Bref, cette inflation cosmique qui semble s'accélérer, où nous emmène-t-elle? Univers, et pourtant il enfle, c'est le problème que nous allons examiner dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer cette inflation, les questions qu'elle pose et les réponses que l'on en attend, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Sébastien Renaud-Pétel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur CNRS à l'Institut d'astrophysique de Paris. Bonjour Vincent Vénin. Bonjour. Vous êtes chercheur CNRS également en cosmologie primordiale au laboratoire astroparticules et cosmologie de l'Université Paris Diderot. Vous pouvez suivre cette émission comme chaque jour sur les ondes de France Culture et sur notre fil Twitter @laméthodefc. On va vous poster plein de jolies photos d'étoiles aujourd'hui. Ce serait dommage de les manquer. Pour commencer, messieurs, peut-être une question simple. Est-ce qu'on parle de la même chose quand on parle d'inflation cosmique et d'expansion de l'univers, Sébastien Renaud-Pétel? Non. L'expansion de l'univers, c'est un fait observationnel bien connu maintenant, découvert dans les années 30 par Edwin Hubble en particulier. L'inflation, c'est une phase très particulière de l'univers, dans l'univers très primordial, il y a plus de 13 milliards d'années, qui est caractérisée par le fait que cette expansion de l'univers, à l'époque, était accélérée, était exponentielle. Donc c'est une phase très particulière d'expansion. Est-ce qu'on peut alors, à ce moment-là, je me retourne vers vous Vincent Bonin, est-ce qu'on peut dissocier l'inflation de l'expansion? Est-ce que l'une et l'autre sont liées, ou est-ce qu'on peut prendre les deux différemment et les considérer comme n'ayant pas de lien de causalité? Alors l'inflation, c'est un cas particulier de l'expansion, c'est-à-dire que l'inflation est une expansion, mais toute expansion n'est pas forcément inflationnaire. C'est-à-dire que dans une phase d'inflation, l'univers est en expansion, son volume croît de façon un peu imagée, mais dans la plupart des phases que l'univers a connues, cette expansion a décéléré, c'est-à-dire qu'il est devenu de plus en plus grand, mais sa vitesse d'accroissement, elle, diminuait sous l'effet des forces de gravitation. Alors que, pendant cette phase très particulière que Sébastien évoquait, au tout début de l'univers, cette expansion a accéléré au contraire, c'est ce qu'on appelle l'inflation. Alors, en fait, l'idée de départ de cette émission vient d'une publication assez récente qui montre que l'expansion, pour commencer par elle, peut être calculée de deux façons différentes. Hein. Elle peut être calculée par, on y reviendra, par le fond diffus cosmologique ou par les céphéides. Or, en fait, il y a un delta, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça veut dire que, pour résumer cela, Sébastien Renaud-Pétel, non seulement on n'est pas sûr de la vitesse de l'expansion actuelle de l'univers, mais en plus, selon qu'on la calcule par une méthode, c'est-à-dire en regardant dans le passé ou en regardant entre guillemets dans le présent ou en tout cas dans le passé plus récent, on obtient deux vitesses différentes. Oui, tout à fait. Donc cette mesure du taux d'expansion de l'univers peut être faite des deux façons dont que vous avez mentionné. Et on a des valeurs un petit peu différentes selon les méthodes utilisées. C'est quelque chose qui attire l'attention de la communauté scientifique. Parce que ça peut-être révéler une faille dans notre compréhension de l'univers. Ceci dit, la différence entre les deux mesures et les effets systématiques et observationnels qui sont derrière font qu'on a plutôt tendance à considérer qu'on a a priori quand même un modèle cosmologique correct et que ces mesures différentes seront par la suite égalisées comme c'est déjà arrivé par le passé. Vous partagez ce point de vue, Vincent Vénin, c'est-à-dire que en gros pour prendre une image, c'est-à-dire que quand on va mesurer l'expansion par la mesure du fond diffus cosmologique, c'est un peu comme la taille à 2 ans, hein, c'est-à-dire qu'on prend la taille d'un enfant et on extrapole celle qu'il aura plus tard, alors que quand on regarde finalement aujourd'hui la distance à laquelle s'éloigne des étoiles ou en tout cas des repères dans l'espace, eh bien, voilà, c'est un delta qui vous semble pas significatif. Oui, alors c'est une grande question de savoir si c'est significatif ou pas, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces deux mesures portent sur des objets astrophysiques qui sont complètement différents et qui sondent aussi des phases de l'univers qui sont différentes. Donc d'un côté, vous avez le fond diffus cosmologique qui est cette toute première lumière, cette toute première photographie que nous avons pu prendre de l'univers et la propagation de cette lumière à travers tous les âges qu'a connu l'univers. Et de l'autre, vous avez une mesure qui est beaucoup plus locale dans le sens où elle en fait concerne des objets astrophysiques plus proches de nous et où il s'agit de mesurer leur vitesse d'éloignement par rapport à nous. Chacune de ces mesures possède une marge d'erreur et même si elles pointent sur des valeurs différentes, à l'intérieur de leur marge d'erreur, elles se recouvrent légèrement. Et c'est vrai qu'on atteint le point où le taux de recouvrement est faible, mais pas non plus ridicule. Donc voilà, tout le débat va être de savoir dans les prochaines années si on peut affiner chacune de ces mesures et savoir si cette tension se résorbe, comme effectivement ça a été le cas dans le passé sur d'autres exemples, ou bien si elle s'accentue, auquel cas il s'agira en effet de revoir certainement le modèle cosmologique ou la manière dont on fait certaines de ces mesures. Et pour donner un indice, un ordre de grandeur aujourd'hui, quel est le taux d'expansion de l'univers, Sébastien Renaud-Pétel, à quelle vitesse l'univers s'étend-il ? Alors, plus précisément, on parle d'un taux d'expansion, c'est-à-dire que on parle de kilomètres par seconde, d'une vitesse, mais par mégaparsec. Et donc, le taux d'expansion avec ces unités est à peu près autour de 100, 73 pour être précis, kilomètres par seconde. Donc, ça, c'est la vitesse de fuite d'une galaxie typique. Mais cette vitesse, c'est ce qu'a découvert Hubble, est proportionnelle à la distance de cette galaxie à nous. Et donc, ce qu'on peut mesurer, c'est une vitesse divisée par une distance. Donc, 73 km par seconde par mégaparsec, qui est mégaparsec, une unité de distance, qui est une unité de distance typique de la cosmologie. Ok, tout va bien. La méthode scientifique. Je suis sur la trajectoire que j'ai vue. Nous sommes secoués comme des pruniers. L'expression n'est pas nouvelle et les autres en font à chaque fois l'expérience. Nicolas Martin. La feria du cosmos est terminée. Et à 16h10 sur France Culture, nous parlons donc d'inflation cosmique tout au long de cette heure en compagnie de Sébastien Renaud-Pétel et de Vincent Vénin. Alors pour comprendre comment est né ce concept hein, d'inflation cosmique, il faut remonter à l'histoire du Big Bang. Entre la théorisation du Big Bang et celle de l'inflation, il se passe quand même un certain temps, c'est-à-dire que il n'y a pas de corrélation immédiate entre l'idée du Big Bang et l'idée d'une inflation immédiate extrême. Sébastien Renaud-Pétel. Oui, tout à fait. Maintenant, on peut les deux coïncident un peu. On parle de modèle cosmologique avec Big Bang et inflation de manière indifférenciée. Mais historiquement, ça n'a pas du tout été le cas. Le modèle du Big Bang s'est construit principalement dans l'après-guerre, dans les années 50. Et l'inflation, c'est une idée, on reviendra dessus, qui est née dans les années 80 pour justement résoudre des défauts qu'avait la théorie classique du Big Bang, qui dit simplement que l'univers est en expansion, autrement dit était plus chaud et plus dense par le passé. Donc pour résoudre certains problèmes de conditions initiales particulières, d'ajustement qui paraissaient très fins, est née cette théorie de l'inflation, qui dans les années 80 était une théorie parmi d'autres pour résoudre ces problèmes. Il se trouve qu'elle a... Elle a pris en ampleur. Confirmé observationnellement. Vincent Vénin, c'est-à-dire que peut-être qu'on peut redire exactement ce qu'est cette théorie de l'inflation, c'est-à-dire qu'il y a eu, vraiment à un moment donné, entre le Big Bang, redites-nous exactement de quoi il s'agit en fait. Oui, alors l'inflation est née comme une solution à un certain nombre de problèmes qui ont été identifiés au fur et à mesure que les gens ont travaillé sur le modèle du Big Bang Show. Et puis, au fur et à mesure des années, elle est devenue autre chose que juste une solution un petit peu amenée a posteriori, puisqu'on a découvert qu'elle faisait elle-même des prédictions qui ont été vérifiées, etc. Mais historiquement, au tout départ, le problème était de comprendre un certain nombre de défauts du modèle du Big Bang, notamment un problème qu'on appelle le problème de l'horizon, qui est le fait que si l'on suppose que l'univers est en expansion, avec un taux d'expansion qui décroît, comme on le pensait jusqu'au début des années 80, alors on se rend compte que les différentes parties de l'univers que l'on peut observer, lorsqu'on le regarde très loin avec un télescope, sont, alors c'est un terme technique mais je vais l'expliquer, on dit qu'elles sont causalement déconnectées. Ce que cela veut dire, c'est qu'il n'y a pas eu le temps depuis le Big Bang qu'un processus physique affecte simultanément deux régions. Donc lorsque vous regardez le ciel dans une direction puis dans une autre direction diamétralement opposée, ces deux régions n'ont jamais pu se parler. Et par conséquent, elles doivent être a priori très différentes. Il n'y a aucune raison pour qu'elles se ressemblent. Or, lorsque vous observez vraiment avec un télescope, vous remarquez qu'elles se ressemblent énormément. Et que, par exemple, la densité d'énergie, le nombre de galaxies, le nombre de structures, etc., sont deux quantités qui sont pratiquement les mêmes. Et c'est ce qu'on appelait donc ce problème de l'horizon. Comment se fait-il que des régions qui n'ont jamais pu se parler, qui n'ont jamais pu échanger de photons ou n'importe quoi, puissent se ressembler autant? C'est pour ça qu'on appelle l'univers homogène et isotrope. Voilà. C'est ce que vous venez de définir. Voilà, c'est le fait que l'univers sur ces très grandes échelles est partout semblable. Alors à quelques petites différences près, mais on reviendra sur ces petites différences plus tard, puisque justement l'inflation a joué un rôle dedans également. Mais voilà, il y avait ce constat et puis il y avait d'autres problèmes. Du modèle du Big Bang, je ne sais pas si... Bon, vous pouvez rentrer dedans, mais c'est l'un des problèmes, il y a ce problème de l'horizon, il y a le problème de la platitude éventuellement. Il y a le problème de la platitude, le fait que la courbure spatiale de l'univers, on observe aujourd'hui qu'elle est très faible, en fait elle est même peut-être exactement zéro, on ne sait pas. C'est-à-dire que l'univers serait plat. Donc l'univers serait plat, or si l'univers est en expansion décélérée, la part que prend cette courbure au budget un peu d'énergie de l'univers croît. Et donc, si elle est très faible aujourd'hui, ça veut dire qu'elle était encore plus faible dans le passé. Donc, c'est un problème de condition initiale, comme disait Sébastien. C'est-à-dire qu'il faut initialiser sa valeur à quelque chose d'extrêmement petit, ce qui ne semble pas très naturel. Donc, il y avait toutes ces choses qui ne tuent pas le modèle du Big Bang en soi, mais qui sont quand même des indications qu'il y a quelque chose d'un peu tiré par les cheveux là-dedans. Et l'inflation est venue comme une solution à ces problèmes, une proposition qui permettait de résoudre ces problèmes-là. Sébastien Renaud Pédel, il y a aussi quelque chose qui va encourager ce modèle de l'inflation cosmique, c'est la première cartographie, la première perception du fond diffus cosmologique. D'ailleurs, je renvoie à nos auditeurs, on vient de mettre le lien à l'émission que nous avions consacrée précisément ici même au fond diffus cosmologique. Vous saurez tout sur ce fond diffus, mais ça a précisément renforcé ce modèle de l'inflation cosmique. Oui, tout à fait. Comme l'a expliqué Vincent, le modèle de l'inflation, la théorie de l'inflation, c'est plutôt un paradigme, on reviendra dessus après, mais il y a plein de modèles d'inflation derrière ce mot, a été conçu pour résoudre des problèmes, a priori ne faisait pas de prédictions. Et puis les gens, les chercheurs, en travaillant au début des années 80, se sont rendus compte que ce mécanisme donc d'expansion accélérée de l'univers avait en elle un mécanisme qui pouvait expliquer l'apparition de ce qu'on appelle des grandes structures de l'univers. C'est-à-dire le fait que l'univers n'est pas vide, qu'il y ait des galaxies, des amas de galaxies. Si on vient dans le passé, qu'on observe donc ce fond diffus cosmologique, la première lumière de l'univers, dont on a parlé. 380 000 ans après le Big Bang. Voilà, on observe une température à peu près uniforme à travers le ciel, à peu près 3 degrés Kelvin, donc moins 270 degrés Celsius. Mais on observe des fluctuations très petites, de l'ordre du 30e de millionième de Kelvin, donc des endroits un peu plus chauds, un petit peu plus froids. Et ceci a été détecté donc progressivement, et puis maintenant ça a culminé avec les résultats du satellite Planck. Et il faut bien comprendre que quand la théorie de l'inflation est développée dans les années 80, on n'a aucune idée de la structure de ce qu'on appelle ces fluctuations cosmologiques. Et il y avait plusieurs théories qui étaient en compétition, l'inflation cosmologique, mais aussi les cordes cosmiques ou d'autres. Et ce qui est remarquable, c'est que le cadre général de l'inflation, ce paradigme, a fait des prédictions qui ont été vérifiées observationnellement des dizaines d'années plus tard, avec un accord très bon entre théorie et observation. Donc c'est vraiment ce côté important de l'inflation qu'il faut... sans doute sur lequel il faut insister. Peut-être donc je parle sous votre contrôle évidemment, Alexei Starobinsky qui postule l'expansion exponentielle de l'espace dans les tout premiers instants après le Big Bang. Donc relevons les manches et allons à ces tout premiers instants. Quand on parle des tout premiers instants, on parle de 10 puissance moins 35 secondes après le Big Bang. Donc c'est l'espace de Planck. Qu'est-ce qui se passe? Quel est précisément ce modèle inflationniste, Vincent Vénin? Oui, alors c'est souvent ça fait un peu sourire, les ordres de grandeur sont tels que on se demande comment est-ce que quelque chose qui a pu durer si peu de temps peut jouer un rôle si important. Mais c'est parce que on mesure les choses ne se mesurent pas forcément l'importance des choses ne se mesure pas forcément par leur durée. Et en l'occurrence, même si cela a duré très peu de temps, il s'est passé énormément de choses. Déjà, le volume de l'univers a augmenté d'un facteur extrêmement important. Et puis c'est également la période durant laquelle effectivement les toutes premières graines qui ont ensuite poussé pour donner lieu aux galaxies, aux structures de l'univers telles que nous le connaissons aujourd'hui, sont apparues. Donc c'est une phase qui est vraiment primordiale pour nous, physiciens et cosmologistes, pour comprendre comment l'univers a été s'est agencé dans ses tout premiers instants et comment est-ce que les lois physiques dans ces régimes qui sont extrêmes, puisque très courte durée signifie également très haute énergie en physique, il y a une correspondance entre les deux, donc 10 puissance moins 35 secondes veut dire très très haute énergie, en fait des énergies qui sont beaucoup plus élevées que celles qu'on peut par exemple sonder dans les accélérateurs de particules, donc c'est aussi une phase qui est cruciale pour ça, pour comprendre la physique d'une manière complémentaire aux expériences qu'on peut faire sur Terre de façon plus classique en physique des particules. Donc voilà, elle joue un rôle très important de ce point de vue-là. Et alors, que s'est-il passé, Sébastien Reynaud-Pétel, dans ce moment de l'inflation où d'un seul coup on passe d'un point infinitésimal à un univers qui a quasiment la taille qu'il a aujourd'hui en l'espace de je ne sais même pas, on ne peut pas dire d'un milieu, c'est d'un 10 puissance moins 35, je ne trouverai pas le mot pour dire quel milliardième est. Milliardième de milliardième. Il doit y avoir un mot. Il doit y avoir un mot, mais on ne l'a pas ici, parce que c'est très petit. C'est important de revenir sur ça, parce que c'est un point crucial. On explique souvent la théorie du Big Bang avec cette idée qu'il y avait un instant T égale 0, où la matière était infiniment concentrée. Et puis voilà, l'horloge commence, démarre. Voilà. Et c'est plus subtil que ça. Mm-hmm. Ce que dit simplement le théorie du Big Bang, c'est que l'univers est en expansion, et donc si on remonte le temps, si on revient dans le passé, l'univers était plus chaud, plus dense. Et pour obtenir ces conclusions, on utilise la théorie de la relativité générale, qui depuis Einstein est la théorie qui n'a pas été mise en défaut, qu'on utilise pour cela. Mais cette théorie, on sait qu'elle a un domaine de validité. Donc si on suit, je dirais naïvement, cette théorie, on arrive à la conclusion que l'univers était concentré en un point, et ce qu'on appelle la singularité initiale du Big Bang. Mais on est un peu trop naïf quand on fait ça, parce que la relativité générale, on sait très bien qu'elle n'est pas applicable au-delà d'une certaine densité d'énergie, donc qu'on appelle en général le mur de Planck. C'est ça. Donc on qualifie ce moment de Big Bang, mais les scientifiques ne parlent pas comme ça. Ils savent très bien que cette singularité initiale doit être remplacée par quelque chose. Le modèle, la théorie de l'inflation cosmologique dit quelque chose sur l'inflation dans l'état de l'univers très primordial, mais ne remplace pas et ne résout pas ce problème de la singularité. Donc, on pourra parler plus tard des théories alternatives à l'inflation. On en parlera tout à l'heure, bien sûr. À rebond, dans lequel ces problèmes peuvent être absents. Mais c'est important de préciser ça. En fait, avec l'inflation, on comprend mieux certains problèmes, on fait des prédictions, mais on ne résout pas tous les problèmes du modèle du Big Bang, en particulier le problème de la singularité initiale. Mmh. Autrement dit, on est obligé de postuler d'autres choses, de décaler le problème. En physique, on ne peut que faire des prédictions à partir de certaines lois d'un certain instant initial. Mais donc, pour justement examiner ces postulats, ces hypothèses autour de cette inflation initiale, puisqu'il y a expansion et passage d'un état extrêmement dense, chaud et condensé à un état plus diffus et plus réparti, il faut bien une force pour produire cette répartition et cette dépense énergétique phénoménale. Or, cette force, quelle serait-elle? Est-ce qu'on a des idées, des théories? Évidemment, vous en avez quelques-unes, Vincent Vénin. Oui, alors, peut-être, en préalable, il faut comprendre pourquoi est-ce que c'est a priori compliqué d'avoir une phase d'expansion accélérée? Et pourquoi est-ce que dans la plupart de ces états, l'univers a connu au contraire une phase d'expansion décélérée? C'est parce que sur ces grandes échelles, l'univers est régi par les lois de la gravitation et la gravité est une force attractive. Donc même si vous avez une sorte de vitesse initiale qui éloigne les objets les uns des autres, comme ils s'attirent, cette force attractive va avoir tendance à ralentir leur vitesse d'éloignement les uns par rapport aux autres. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, en effet, l'expansion a décéléré pendant la plupart des époques qu'a traversé l'univers. Mais Lorsque l'univers atteint les échelles d'énergie qui sont celles de l'inflation, la matière se comporte d'une manière qui est toute différente à notre intuition de tous les jours. Et en particulier, la façon dont elle interagit avec elle-même à l'intérieur des lois de la relativité générale peut être différente. Alors on décrit plus par exemple la matière en termes de particules, on la décrit en termes de champs qui sont une autre entité mathématique. Et notamment on pense que pendant la phase d'inflation, l'univers est dominé par un type de champ bien particulier qu'on appelle un champ scalaire, qui est un petit peu comme celui du boson de Higgs qu'on a découvert il y a peu de temps. Ça pourrait d'ailleurs être le même champ. Et ce champ, sous certaines conditions, peut en effet donner lieu à une phase d'expansion accélérée. C'est vraiment lorsque l'univers est dominé par ce type de, par la matière dans ce type d'état très particulier que ça peut se produire. Oui, Sébastien Renaud-Pétel, sur cette notion de champ scalaire qu'on peut peut-être essayer de réexpliciter effectivement un petit peu, parce que, encore une fois, il y a des hypothèses sur ce que peut être la nature de la force qui est à l'origine de cette inflation cosmologique des idées. Un champ scalaire, c'est un objet très simple, en fait, mathématiquement et physiquement, et pourtant, ça a été découvert que tardivement. C'est-à-dire que tout... les objets physiques, toutes les particules qu'on apprend à l'école, les électrons, tout ce qui constitue la matière, les photons, sont décrits avec d'autres types d'objets. Par exemple, on est bien habitué au concept de champ électrique. Mm-hmm. Un champ électrique, c'est un vecteur, c'est donc une direction, une flèche et une amplitude en chaque point de l'espace et du temps. Et ça décrit par exemple l'électromagnétisme. La matière est constituée de champs de jauge qui sont une généralisation mais encore plus complexe. Le champ scalaire, c'est beaucoup plus simple. Quand vous regardez par exemple une carte de la météo, vous avez un champ scalaire, c'est-à-dire en tout point de l'espace, sur la carte par exemple de France, et à tout moment, vous avez une valeur, la température vaut 17 degrés ici, 20 degrés. Mmh. Donc ça, c'est tout simplement un champ scalaire. Une valeur associée à un point. Une valeur associée à un point. Donc c'est pratiquement très simple, mais comme le disait Vincent, jusqu'à 2012, on n'en avait que des constructions théoriques. Avec la découverte du boson de Higgs, qui est la particule associée à ce champ scalaire, on a eu la première confirmation expérimentale de l'existence de la nature de champ scalaire. Et évidemment, les gens avaient pensé depuis longtemps, depuis Peter Higgs, à la possibilité que le champ scalaire dont on a besoin pour l'inflation pouvait être ce champ de Higgs. Ce champ de Higgs. Or, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas dans les scénarios les plus simples. Et c'est peut-être c'est un point important. Le modèle standard de la physique des particules, parce que donc tout ça se passe à très haute densité d'énergie, donc on doit appliquer les lois de la physique quantique, bien sûr. C'est même un champ quantique scalaire, si on veut être précis, oui. A priori, maintenant, ne contiennent pas les champs, les particules nécessaires pour l'inflation. Et donc, ce domaine de recherche est intimement lié à la physique de haute énergie, et en particulier à la recherche de théories au-delà du modèle standard qui unifierait gravitation, les particules et gravitation, voilà. Donc théorie des cordes, gravitation quantique, etc. Donc c'est dans ces théories que les théoriciens cherchent une particule qui pourrait préciser des scénarios inflationnaires. Voilà, et cette particule, pour le moment, il y en a une qui est théorisée, qu'on n'arrive pas à trouver malgré les expériences dans les accélérateurs de particules, peut-être, et vous allez me corriger ou me compléter, Vincent Vénin, peut-être parce qu'on n'arrive pas encore à déployer suffisamment d'énergie pour y arriver, parce que comme vous l'avez dit, on est à des degrés d'énergie qui sont des degrés d'énergie extrêmement élevés qu'on ne peut pas reproduire à l'heure actuelle avec la technologie que nous avons, mais cette particule hypothétique qui pourrait être celle de l'inflation cosmologique des débuts et qui correspondrait à ce champ quantique scalaire, ce serait l'inflaton. Oui, alors c'est comme ça qu'on le nomme, parce que tout simplement il produit l'inflation. C'est ça. Et que c'est la seule propriété qu'on lui connaisse. Et oui, il y a bien sûr l'espoir que les échelles d'énergie auxquelles apparaissent l'inflaton soient finalement pas si éloignées de ce qu'on est capable de faire aujourd'hui et que donc, dans un futur proche, on puisse la produire par exemple dans un accélérateur de particules. Mais malheureusement, il y a aussi la possibilité qu'elle se situe des ordres de grandeur au-delà et que très probablement, même dans un futur, disons, à moyen et long terme, on ne puisse pas l'avoir de cette façon-là. C'est lié au fait qu'on a une grande incertitude, même si on comprend maintenant assez bien la dynamique de cette phase inflationnaire, l'échelle d'énergie à laquelle elle se situe, elle, reste très peu contrainte. Et donc, ce qu'il faudrait faire pour créer l'inflaton en laboratoire, c'est quelque chose qui est assez difficile. C'est aussi lié à un autre aspect qui est qu'on ne sait pas bien comment l'inflaton est connecté aux autres particules du modèle standard de la physique. C'est-à-dire qu'on sait qu'il doit être connecté parce qu'à la fin de l'inflation, pour embrayer sur le modèle du Big Bang Show, il faut bien que l'énergie, toute cette énergie qui est contenue dans l'inflaton, soit transféré vers les autres particules. Vers les particules que l'on connaît, qu'on observe aujourd'hui. Hein. Exactement. Notamment le méson B+, si on veut rentrer dans le détail. Voilà, toutes les particules du modèle standard. Et donc, il faut que l'inflaton soit couplé d'une manière ou d'une autre à ces autres particules, mais on ne sait pas exactement de quelle manière. Donc voilà, ça reste un champ d'investigation très ouvert. Sébastien Renaud-Pétel. Oui. Comme disait Vincent, on a un cadre théorique qui permet de bien comprendre la phase inflationnaire, ces mécanismes, mais il reste beaucoup de points d'interrogation qui concernent en fait le début de l'inflation. Je disais, les conditions initiales nécessaires pour une phase d'inflation sont encore mal comprises. C'est-à-dire à 10 puissance moins 35 secondes, pourquoi est-ce qu'à un moment donné, cette matière dense se met à s'étendre Et ça, c'est relié aux théories de gravitation quantique. Et puis, la fin de l'inflation, donc ce qu'on appelle le réchauffement ou le préchauffement. Comment, donc ça, c'est vraiment, ça utilise la théorie de la relativité, hein, le fameux E égale MC2, l'équivalence entre énergie et masse. L'énergie contenue dans le champ scalaire pendant l'inflation est transférée vraiment en création de particules. Et ça, cette phase, on commence maintenant à mieux la comprendre, à mieux la sonder observationnellement, parce que la précision des observations du fond diffus cosmologique en particulier augmente, mais on en a encore une compréhension très très lacunaire. Il y a tout de même un écart, alors qui est faible à l'échelle cosmologique, mais qui est quand même grand à l'échelle dont on parle de l'inflation, puisque le fond diffus cosmologique, c'est 380 000 ans, et là, on est vraiment encore à l'intérieur de la première seconde après le Big Bang, pour l'apparition des premières particules, hein, si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait. on a vraiment, la période de préchauffement, la période qui suit immédiatement l'inflation. On parle encore une fois de microsecondes. Et est-ce qu'on pense aujourd'hui, est-ce qu'on a un espoir effectivement d'arriver à des niveaux d'énergie suffisants? Est-ce qu'il y a des expériences à venir qui pourraient permettre dans des grands collisionneurs comme celui du CERN ou dans d'autres types d'accélérateurs de particules d'arriver à trouver? Est-ce que c'est quelque chose d'hypothétiquement proche ou d'expérimentalement proche plutôt, ou est-ce que c'est quelque chose à moyen ou à long terme, Sébastien Renaud-Pétel? Bon, a priori, on n'a aucun espoir de ce type dans tous les scénarios standards à moyen ou à long terme, parce qu'il faut bien comprendre que l'énergie, donc on ne connaît pas l'énergie typique de l'inflation, mais on a des ordres de grandeur en tête. Et, par exemple L'ordre de grandeur, ça serait 15 ordres de grandeur, donc 10 puissance 15 fois plus grand que l'échelle d'énergie mise en jeu au LHC. Donc le LHC, le grand collisionneur de hadrons du CERN. Donc ça, cette énergie, c'est à peu près le téraélectronvolt. Donc c'est les énergies les plus importantes disponibles sur Terre. Donc 15 ordres de grandeur, il faudrait construire un accélérateur. Même les accélérateurs de particules auxquels les physiciens des particules réfléchissent, qui pourraient faire 100 km, nous ferait gagner un ordre de grandeur ridicule par rapport aux énergies. Donc c'est la spécificité en fait de la cosmologie, c'est justement de pouvoir sonder une physique à très très haute énergie qu'on ne peut pas sonder avec des moyens conventionnels sur Terre. Vincent Vénin, sur ce niveau d'ordre de grandeur, si on n'est pas capable de construire, d'aller à ce niveau d'énergie dans les accélérateurs de particules, ça veut dire que l'inflaton va rester définitivement une particule hypothétique? Oui, alors c'est vrai que je partage l'avis de Sébastien, il n'est pas impossible mais très peu probable qu'on détecte directement l'inflaton dans les accélérateurs de particules. En revanche, on peut espérer davantage des observations astrophysiques et cosmologiques elles-mêmes. C'est-à-dire que on a parlé du fond diffus cosmologique précédemment. C'est vrai que les propriétés statistiques du fond diffus cosmologique, donc la manière dont les toutes petites irrégularités, les toutes petites variations de température sur cette carte du fond diffus sont distribuées dans l'espace, nous renseignent sur les propriétés de l'inflaton. Et on a déjà appris des choses sur les propriétés de l'inflaton. Il y a des possibilités qui ont été avancées au fil du temps, par exemple que l'inflaton pourrait être telle particule qui apparaît dans telle théorie qui complète le modèle standard, etc., qui sont des possibilités qui sont aujourd'hui exclues parce qu'elles faisaient des prédictions pour le fond diffus cosmologique qui ne sont pas exactement celles qui ont été observées. Donc même si des dizaines, en fait, même des centaines, littéralement, de scénarios ont été proposés, il y a des centaines de candidats pour être l'inflaton. On dit qu'il y en a autant que de cosmologistes et de physiciens, à peu près. Qu'il y a autant de scénarios d'inflation que de physiciens. Certains en produisent plus que d'autres, mais en moyenne, ça doit être à peu près ça. Et on en a pu, en élaguer un certain nombre sur le chemin, des théories, hein, pas des cosmologistes. Et donc, ça signifie que déjà, on est en train d'apprendre quelque chose. Déjà, on acquiert une compréhension plus fine des propriétés de l'inflaton. Et il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Les observations du fond diffus cosmologique vont se poursuivre. On a eu un coup d'éclat très important avec Planck récemment, mais il y a d'autres satellites et d'autres projets qui sont discutés actuellement. Il y a des mesures complémentaires, par exemple dans la structure à grande échelle de l'univers, qui viennent aussi cartographier l'univers, mais sur d'autres types d'échelles. Et donc, au fur et à mesure que les mesures astrophysiques vont progresser, on va en apprendre davantage par ce biais-là. C'est une voie qui est plus prometteuse, en tout cas de façon directe, que la physique des particules standard sur Terre. Sébastien Renaud-Pétel. Oui, je suis tout à fait d'accord. Pour être plus précis, il y a deux grands types d'observations dont on espère beaucoup dans le futur. L'une, c'est les ondes gravitationnelles primordiales. On va y venir dans un instant. Et l'autre, ce sont des détails fins de la distribution, des propriétés statistiques des fluctuations qu'on appelle les non-gaussianités primordiales. Donc le satellite Planck a permis de les contraindre précisément. Sur le fond diffus cosmologique. Oui, hein. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que comme tout processus aléatoire, et la production des fluctuations primordiales dans l'inflation est un processus aléatoire, en première approximation, on peut décrire ça avec la fameuse courbe en cloche, la courbe de Gauss, la courbe gaussienne. Mais évidemment, la physique, la nature est toujours plus compliquée. Et beaucoup de détails très importants sur la physique de l'inflation, sur son lien avec la physique de haute énergie, se cachent dans les déviations à cette fameuse courbe en cloche, donc ce qu'on appelle les non-gaussianités. Et ceci, donc, on en a beaucoup déjà appris avec les observations du fond diffus cosmologique, et ça va continuer avec les observations donc des grandes structures de l'univers, et en particulier, on attend beaucoup du satellite Euclide, donc un satellite européen qui va être lancé en 2020 et qui permettra d'affiner les contraintes standards et également sur les non-gaussianités. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Toujours du bien d'écouter un petit Portishead, Wandering Star à 16h35 sur France Culture. Wandering Star, puisque nous parlons de l'inflation cosmologique tout au long de cette heure en compagnie de Sébastien Renaud-Pétel, qui est chercheur CNRS à l'Institut d'Astrophysique de Paris, et Vincent Vénin, qui est chercheur CNRS au Laboratoire Astroparticules et Cosmologie de l'Université Paris Diderot. Alors, on en parlait au tout début de cette émission, il y a différentes manières d'évaluer aujourd'hui l'expansion de l'univers. L'une de ces méthodes consiste à sonder le fond diffus cosmologique et projeter sa croissance par modélisation jusqu'à la forme de l'univers actuel, ou d'essayer de retrouver les ondes gravitationnelles primordiales, vous en parliez tout à l'heure Sébastien Renaud-Pétel, qui ont été émises immédiatement après le Big Bang, des ondes particulièrement complexes à retrouver. Bonjour Céline Lozen. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous êtes rendu à l'Institut d'Astrophysique Spatiale pour essayer de calculer ce taux d'expansion. Alors moi non, mais Julien Grain, oui. Oh, vous un peu quand même. Qui travaille sur ce rayonnement fossile. Alors il recherche surtout les traces des ondes gravitationnelles émises pendant l'inflation. Le problème, c'est que ces ondes-là n'ont pas laissé d'empreinte visible sur la carte de cet univers primordial, mais il est possible de retrouver des indices indirects du passage des ondes grâce à la polarisation de la lumière. Le taux d'expansion aujourd'hui, ça nous dit juste aujourd'hui, en ce moment, à quelle vitesse l'univers est en train de s'étirer, mais on veut aussi connaître l'histoire de ce taux d'expansion. Donc il y a à la fois les deux choses, l'aspect valeurs aujourd'hui, mais aussi toute la variation de ces valeurs dans le passé. Et en regardant ce qui se passe aujourd'hui, est-ce qu'on peut affiner le taux d'expansion qui a pu avoir lieu dans les temps primordiaux ? Le fait est que, d'une certaine manière, oui, parce qu'on ne mesure jamais directement un taux d'expansion. Ce qu'on mesure, c'est des combinaisons du taux d'expansion aujourd'hui avec d'autres paramètres cosmologique, par exemple la quantité de matière qu'il y a, ou la quantité possiblement d'énergie noire qu'il y a, et c'est en combinant tout ça qu'on arrive et à, par exemple, reconstruire la valeur du taux d'expansion aujourd'hui, mais aussi la valeur d'autres paramètres cosmologiques qui permettent de remonter à comment était le taux d'expansion dans le passé. Votre principale source d'information, ça reste le fond diffus cosmologique ? Avec le fond diffus cosmologique, on tire beaucoup d'infos sur ce qui se passe dans l'univers très jeune, les premières fractions de secondes après le Big Bang. Au moment où ce fond diffus cosmologique est émis, il y a des zones un peu plus denses et un peu moins denses dans l'univers, donc ça donne des fluctuations d'intensité. Mais s'il y a une onde gravitationnelle qui passe là, ça déforme aussi l'espace-temps, donc ça déforme aussi les propriétés physiques de la lumière. Donc par exemple, ça donne aussi des fluctuations d'intensité, mais ça donne aussi des fluctuations dites de polarisation, en gros comment la lumière est orientée. Et en mesurant un certain type précis de ces fluctuations de polarisation, on remonte aux ondes gravitationnelles qui ont été produites avant, parce qu'elles sont les seules à pouvoir laisser cette empreinte particulière. Et c'est comme ça qu'on remonte aux propriétés, d'une certaine manière, à l'amplitude des ondes gravitationnelles produites dans l'inflation. Et l'amplitude de ces ondes gravitationnelles a le bon goût de nous donner directement le taux d'expansion, à quelle vitesse l'univers s'étire, quand il a 10-30 secondes après le Big Bang. Malheureusement, ces surdensités et ces sous-densités, elles ne permettent pas de remonter à une valeur du taux d'expansion quand l'univers était très jeune. Par contre, si on mesurait les ondes gravitationnelles produites dans l'univers primordial, très jeune, alors là, on pourrait remonter au taux d'expansion de l'univers quand il a quelques fractions de secondes. Donc on peut dire que le rayonnement fossile, le CMB, reste le meilleur outil pour expliquer cette histoire-là. Alors oui, pour avoir des mesures sur l'univers primordial, actuellement, le meilleur observable, c'est le fond diffus cosmologique. C'est la distribution des grandes structures dans l'univers. Donc par exemple, ça, c'est des mesures qui viennent des supernovas, et on voit que le taux d'expansion mesuré est de l'ordre de 72-73 km par seconde par mégaparsec. Et donc en gros, la tension, elle se résume à ça, c'est que les mesures qu'on dit plutôt lointaines, c'est-à-dire en utilisant le fond diffus cosmologique, la distribution des galaxies, donnent plutôt des valeurs dites basses, autour de 67 km par seconde par mégaparsec. Les mesures plus locales, par exemple avec les supernovas, donnent des valeurs plutôt hautes, 72-73 km par seconde par mégaparsec. Donc la question, c'est, on a deux types d'observations différentes pour mesurer la valeur d'un même paramètre, qu'on appelle la constante de Hubble, qui n'est en fait pas constante, elle varie au cours du temps, mais c'est le paramètre qui nous dit la vitesse d'expansion de l'univers. C'est-à-dire, vous dit en une seconde de combien l'univers s'est étiré. Et donc effectivement, entre les mesures donc dites locales, avec des objets qui sont proche, c'est-à-dire dans l'histoire très récente de l'univers et des mesures beaucoup plus lointaines, le fond diffus cosmologique, eh bien, il y a une tension. On ne trouve pas exactement les mêmes valeurs. Alors après, est-ce que c'est une vraie tension ? C'est-à-dire, est-ce que dans un cas, on trouve 1 et dans l'autre cas, on trouve 1000 ? Non, c'est pas ça. La différence, c'est souvent estimé en termes d'intervalle de confiance, étant donné toutes les erreurs qu'il peut y avoir sur chacune des mesures. Et par exemple, ce résultat récent de l'étude de la collaboration Dark Energy Survey, c'est de dire que la tension est mesurée en sigma, 2,5 sigma. C'est du jargon technique. En gros, c'est la situation un peu étrange. Il y a un écart, certes, mais ce n'est pas un écart énorme. Donc c'est dur de dire, c'est clair, là, il y a quelque chose qui ne va pas. On est un peu dans la situation entre les deux. Maintenant, la question, c'est qu'encore une fois, chacune de ces méthodes d'observation ont des avantages et des inconvénients. Si par exemple, on prend les dernières mesures qui ont pu être faites de ce taux d'expansion grâce à la détection des ondes gravitationnelles, de la coalescence de deux étoiles à neutrons, la valeur qu'ils trouvent se rapproche plus de celle trouvée par les mesures avec le fond diffus cosmologique. La question ensuite, c'est de savoir est-ce que ça aura un impact sur des choses importantes du modèle. Par exemple, est-ce que changer les valeurs du taux d'expansion aujourd'hui va totalement changer notre idée de l'expansion accélérée récente ou pas ? Et c'est via ce biais-là que ça pourrait avoir des incidences fortes. Voilà le reportage du jour à l'Institut d'astrophysique spatiale. Peut-être un mot autour de ce reportage. Il y a pas mal de choses intéressantes sur lesquelles j'aimerais avoir votre opinion. Peut-être dire et rappeler l'importance aujourd'hui de la quête de ces ondes gravitationnelles primordiales. Déjà, que sont-elles et pourquoi, pour le moment, n'arrivons-nous toujours pas vraiment, alors c'est débattu, mais en tout cas à mettre le doigt sur ces ondes gravitationnelles. Oui, alors c'est un objet qui est extrêmement important pour nous, à plusieurs titres. Alors déjà, en deux mots, qu'est-ce que sont les ondes gravitationnelles primordiales ? Donc les ondes gravitationnelles, ce sont des ondes, donc c'est quelque chose qui se propage comme une onde sonore, comme la lumière. Simplement ici, ce qui se propage, c'est une déformation de l'espace-temps lui-même. Qui se propage à la vitesse de la lumière, en tout cas vraisemblablement. Et elles ont été produites dans l'univers primordial pendant la phase d'inflation, exactement au même titre qu'ont été produites des fluctuations, non pas dans la métrique, la façon dont la géométrie de l'espace-temps elle-même, mais dans le champ scalaire de l'inflaton, par exemple, qui donne les fluctuations de température dans le fond diffus cosmologique, etc. Donc ces ondes gravitationnelles doivent être là selon la théorie de l'inflation. Pour autant, on ne les voit pas. Et si on pouvait les observer, ce serait déjà une indication très importante de l'échelle d'énergie de l'inflation. C'est-à-dire que, on évoquait tout à l'heure la difficulté qu'on a à concevoir à quelle échelle d'énergie exactement l'inflation s'est déroulée. En fait, il se trouve que l'amplitude des ondes gravitationnelles primordiales est directement liée à l'échelle d'énergie. Donc si on les mesurait, on saurait à quelle échelle d'énergie l'inflation a eu lieu. Déjà, on en apprendrait un peu plus sur cette particule de l'inflaton, etc. Et puis la deuxième chose qui est non triviale avec ces ondes gravitationnelles primordiales, c'est qu'elles résultent d'un mécanisme d'excitation quantique, parce que ce sont des fluctuations quantiques. Et comme ce sont des déformations de la géométrie de l'espace-temps qui se propagent, c'est donc un mécanisme qui repose à la fois sur la mécanique quantique, sur la physique quantique et sur la relativité générale. Mm-hmm. Et c'est vraiment les deux théories, les deux piliers de la physique théorique du XXe siècle et maintenant du XXIe siècle qu'on n'arrive pas à combiner. Donc si on avait là un exemple de quelque chose qu'on peut observer dans lequel les deux théories jouent un rôle, ce serait une manière déjà formidable de pouvoir en apprendre davantage sur la façon de les combiner. Et alors pourquoi n'arrive-t-on pas à observer ces ondes gravitationnelles primordiales qui nous renseigneraient tellement sur non seulement l'inflation, sur les origines de l'univers et qui pourraient en plus commencer à réconcilier les deux mamelles du modèle de la physique standard? Alors ce qu'il faut savoir, c'est comment essayer de les détecter. Les ondes gravitationnelles primordiales sont caractérisées par une fréquence très très faible, c'est un signal quasi continu. Donc on ne va pas les détecter de la même façon que les ondes gravitationnelles, celles qui ont été détectées récemment et qui ont eu le prix Nobel de 2017. Voilà, trou de trous noirs, on les observe, elles génèrent des mouvements de matière au niveau primordial au moment de la formation du fond diffus cosmologique, au moment de son émission, qui se caractérise par le fait que la lumière, cette lumière, de son diffus, est polarisée de la même façon, polarisée d'une certaine manière. Donc la polarisation, hein, c'est ce, on voit ça dans la vie de tous les jours, on a des filtres polarisants avec les appareils photo. Donc c'est quelque chose qui est bien connu. Ce qu'on recherche dans les fluctuations du fond diffus cosmologique et dans cette polarisation, c'est un certain mode, on appelle ça comme ça, de polarisation, qui est un certain motif, certaines formes qui font des tourbillons dans le ciel. Et ça, il n'y a pas a priori de difficulté technique à les observer. D'ailleurs, ça a déjà été observé. Simplement, il y a beaucoup de choses qui peuvent créer ce mode B, donc, appelé comme ça, de la polarisation. Et en particulier, en 2014, il y a eu l'annonce par BICEP de la découverte des ondes gravitationnelles primordiales. Quelques mois des modes après, B, on, de, exactement. Des donc, modes c'était, B, exactement. C'était un petit peu, c'était une annonce très fausse, parce que on s'est rendu compte que tout simplement, on le savait déjà que c'était possible, mais des particules, les poussières de notre galaxie qui forment un avant-plan entre le signal cosmologique et nous observateurs peut polluer. Ce signal. Et donc ça, c'est une des difficultés, c'est faire la distinction dans les observations entre ce qui est de notre environnement local et la source cosmologique. Ça, c'est un point. Et le deuxième est de nature plus profond, c'est que même sans cette difficulté observationnelle, du fait qu'on vit dans notre galaxie, le niveau des ondes gravitationnelles peut varier du tout au tout selon les modèles d'inflation. Et si on les détecte, ça voudra dire que l'échelle d'énergie d'inflation était très élevée. 10 puissance 15 GeV, autrement dit presque giga-électronvolt, presque la densité d'énergie de Planck. Mais elle peut être, dans un scénario tout à fait réaliste, bien moindre au point qu'elle ne serait pas détectable. Donc, l'alternative est la suivante. Soit on la détecte dans les 5, 10 ans, 15 ans à venir, les ondes gravitationnelles primordiales, et dans ce cas, ça voudrait dire que l'inflation a eu lieu à très haute énergie. Soit on ne l'observe pas, ce qui n'est pas un problème en soi pour l'inflation, c'est simplement moins satisfaisant intellectuellement parce qu'on n'a pas cette confirmation observationnelle de ce fait très important, manifestation de la gravitation quantique, mais ça ne remet pas en cause les modèles d'inflation eux-mêmes. Est-ce que ces ondes gravitationnelles aujourd'hui, alors puisqu'on parlait tout à l'heure des accélérateurs de particules et du niveau d'énergie des accélérateurs de particules, est-ce que les moyens technologiques ou le développement aujourd'hui de nouveaux capteurs plus sensibles sur un certain nombre de télescopes devraient nous permettre précisément de trouver, d'avoir la réponse à ce paradoxe, ou en tout cas à ces deux solutions que vient d'évoquer Sébastien Renaud-Pétel, à votre avis? Oui, alors c'est possible, il y a d'autres missions qui sont discutées actuellement. En fait, il y a essentiellement deux possibilités. Soit on construit des observateurs au sol, soit on envoie des satellites. Alors, il y a déjà beaucoup de données au sol qui sont prises. Et en les combinant, on pourrait améliorer légèrement. Ça, c'est une première chose qui va arriver à court terme, en fait, qui se produit déjà actuellement. Et puis, à plus moyen terme, il y a plusieurs projets qui sont évoqués, à la fois au niveau européen, au niveau japonais également, d'envoyer des satellites dans l'espace qui viennent mesurer de façon plus spécifique la polarisation du fond diffus cosmologique, avec l'idée de vraiment détecter ces ondes gravitationnelles primordiales. Mais c'est vrai qu'en l'absence d'une prédiction claire sur l'amplitude attendue, c'est difficile de savoir quelle va être l'issue. Ce qui est vrai, c'est qu'il y avait une première classe de modèles d'inflation qui prédisait une amplitude qui a été aujourd'hui exclue. Donc ces modèles ne sont plus considérés aujourd'hui. C'est bien, mais d'un autre côté, on aurait bien aimé voir les ondes gravitationnelles primordiales. Il y a une deuxième classe de modèles qui prédit une amplitude qui est apportée de la prochaine génération de télescopes, et c'est très bien, parce que peut-être ce sera l'occasion de les voir. Notamment au SPT, le South Pole Telescope, dont on attend qu'il puisse éventuellement... Il y a effectivement ces télescopes au sol, et puis des satellites qui seront vraisemblablement lancés dans la prochaine décennie, on va dire. Mais il n'y a pas de garantie. Si on ne les détecte pas, ça ne veut pas dire que l'inflation a un problème, mais ça veut simplement dire que là, il faudrait qu'on comprenne davantage la théorie et la physique sur ces échelles d'énergie pour avoir une cible. Le problème, c'est l'absence de cible. Alors, peut-être, il y a autre chose aussi sur lequel j'aimerais vous entendre l'un et l'autre dans le reportage, et que vous avez évoqué tout à l'heure, Vincent Vénin, qui est la question aussi aujourd'hui de l'accélération l'accélération récente qui a été observée il y a assez peu de temps de l'univers. Aujourd'hui, est-ce qu'on a des modèles? Est-ce qu'on a des... théorie, en tout cas satisfaisante, pour expliquer le fait que, contrairement à ce que vous avez expliqué tout à l'heure du fait des forces de gravitation, il y avait une décélération lente de l'accélération de l'expansion de l'univers, et qu'aujourd'hui on est manifestement dans une nouvelle phase d'accélération. Oui, alors c'est vrai que c'est assez intriguant que l'univers ait décéléré son expansion pratiquement tout le temps, sauf à deux moments, au tout début et de façon toute récente. Donc l'inflation qu'on évoquait, et puis cette époque d'énergie sombre plus récente. Alors a priori, comme les deux phases se déroulent, à des instants où la densité d'énergie dans l'univers est complètement différente, c'est a priori des physiques qui sont différentes et il n'y a pas de raison qu'elles soient connectées, même si c'est une possibilité qui est étudiée. Et la réponse, je crois, est non. On n'en sait pas énormément. Il y a plusieurs théories, plusieurs manières d'expliquer cela. Une des raisons pour lesquelles c'est compliqué, c'est que donc cette énergie sombre est liée à ce qu'on appelle l'énergie du vide, qui est liée au fait que en mécanique quantique, le vide classique au sens où on l'entend, c'est-à-dire l'absence de quoi que ce soit, n'existe pas réellement. Même lorsque vous avez tout retiré à l'intérieur d'un volume, il reste quelque chose, et ce quelque chose qui reste, c'est un petit peu la potentialité qu'il existe des particules. Donc c'est vide, mais il y a des fluctuations quantiques qui permettent à des particules virtuelles de pouvoir exister, de pouvoir se créer. Et lorsqu'on calcule cette énergie du vide par les méthodes classiques qu'on connaît, on obtient une valeur pour cette énergie sombre qui est des ordres de grandeur beaucoup plus grandes que ce qu'on observe. Donc on ne comprend pas ça. Et bien sûr, il y a des personnes qui cherchent à savoir comment est-ce qu'on pourrait tout de même expliquer. Mais voilà, c'est un des problèmes très fondamentaux qu'on rencontre en cosmologie aujourd'hui. Sébastien Renaud Pétel, sur cette énigme de l'accélération récente. Oui, donc ce qu'on appelle l'énergie noire, il y a à peu près, il y a de manière schématique, deux possibilités. Soit, on arrive à cette conclusion de l'accélération récente de l'univers, récente c'est déjà depuis quelques milliards d'années, en appliquant les lois de la relativité générale aux observations. Donc l'alternative c'est les lois de la relativité générale sont correctes et dans ce cas on en déduit qu'il y a un contenu énergétique dans l'univers nouveau, une nouvelle forme de particules, ça c'est une possibilité. L'autre, c'est de remettre en cause la relativité générale, de dire que cette théorie est bien testée aux échelles du système solaire, aux échelles des galaxies, mais que là, pour arriver à cette conclusion très, très, très importante sur l'avenir de l'univers dans son ensemble, on l'applique à des échelles, on extrapole la théorie à des échelles où elle n'a pas été testée par ailleurs. Et donc, il y a toutes ces théories dites de gravitation modifiée qui sont développées depuis des décennies maintenant. Et le satellite Euclide, dont on a parlé tout à l'heure, c'est un de ses buts scientifiques, c'est de trancher, en tout cas d'affiner au moins les contraintes sur ces théories alternatives à la gravitation. Et ça a déjà commencé avec un moyen qui était encore insoupçonné il y a quelques années, mais la détection récente des ondes gravitationnelles due à la fusion de trous noirs, a permis d'exclure de très très nombreuses classes de modèles de gravitation modifiée. Alors justement, il nous reste un peu moins d'une dizaine de minutes pour conclure cette émission. Peut-être un mot sur, y a-t-il des théories aujourd'hui, Sébastien Renaud Pétel, des théories alternatives aux modèles inflationnaires et des théories alternatives qui ne soient pas fantaisistes, mais qui soient des théories aujourd'hui qui peuvent à un moment donné, pourquoi pas, remplacer, se substituer ou compléter ce dont on vient de parler tout au long de cette heure? Oui. Les chercheurs essaient d'avoir un panorama ouvert de toutes les possibilités. Donc l'inflation est le paradigme dominant. Mais évidemment, c'est scientifiquement sain d'avoir des alternatives à l'inflation, rien que pour pouvoir les comparer et juger de leurs mérites respectifs. Et un de ces types d'alternatives, c'est ce qu'on appelle les scénarios de rebond, un univers à rebond. Donc l'idée... Le Big Bounce. Voilà, l'idée serait que... de remplacer la singularité initiale dont on a parlé tout à l'heure par le fait que l'univers était initialement, en tout cas avant la phase d'expansion, en contraction, puis il y aurait une phase donc de rebond, de transition entre la phase de contraction et la phase d'expansion. Et ceci est une possibilité, elle est étudiée depuis de nombreuses années, ce n'est pas le scénario le plus communément admis. On peut construire des modèles qui rendent compte des données. Simplement, la majorité des scientifiques considèrent que ces scénarios nécessite des ajustements très fins, n'ont pas le même pouvoir explicatif que l'inflation. Donc c'est une piste de recherche très sérieuse qu'il faut développer. Mmh. Actuellement, le consensus est qu'ils sont moins élégants, je dirais, que les scénarios inflationnaires. Mais ce sont les données qui trancheront in fine. Ce scénario du Big Rebond qui est très lié à la quantification, à la gravitation quantique à boucle, et je tiens à vous préciser que nous aurons l'un des pères, si ce n'est le père de cette théorie de la gravitation quantique à boucle, Carlo Rovelli, qui sera notre invité ici, non pas jeudi là, mais jeudi de la semaine prochaine. Un mot, Vincent Envenin, sur ces théories alternatives ou sur ces autres modèles. Oui, je crois que déjà c'est important de rappeler que même si l'inflation répond à de nombreuses questions et à des faits d'armes importants, notamment celui d'avoir su prédire si précisément ces fluctuations du fonds diffus cosmologique, il y a aussi des problèmes qui restent à l'intérieur de l'inflation. Donc c'est sain d'avoir des alternatives. En plus, on prouve jamais vraiment la validité d'une théorie en science. On peut seulement prouver qu'une théorie est fausse, pas qu'elle est vraie. Donc s'il n'y a pas de compétiteur en face, il n'y a pas beaucoup de mérite à être le seul en lice. Les cosmologies à rebond sont intéressantes, mais il y a notamment cette phase de rebond que vous évoquiez, qui, lors de laquelle des effets de gravité quantique sont attendus. Comme on ne sait pas quantifier la gravité aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a forcément une marge d'incertitude sur les détails du mécanisme qui conduit ce rebond. Et ça a une incidence sur la prédictabilité du modèle, c'est-à-dire que c'est difficile de faire des prédictions lorsque vous avez une phase qui n'est pas bien comprise. Ça ne veut pas dire du tout que le modèle est faux, ça veut simplement dire qu'on n'est pas capable encore aujourd'hui d'en extraire des prédictions très clair. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle je pense que la majorité des cosmologistes travaillent à l'intérieur du paradigme de l'inflation, mais pas la totalité, et c'est important. Et c'est sain. Pour conclure, Sébastien Renaud-Pédel, vous-même, vous travaillez sur certaines équations, des instabilités dans les modèles d'inflation qui vous semblent intéressants, qui vous semblent être une piste d'exploration. Racontez-nous. Oui, c'est un phénomène d'instabilité assez général dans les modèles d'inflation que j'ai découvert il y a 2 ans à peu près. Donc l'idée, encore une fois, c'est de prendre au sérieux les théories de physique des hautes énergies, de regarder leurs conséquences et d'en déduire les conséquences observationnelles. Et j'ai découvert qu'il y avait une instabilité très général qui pouvait changer énormément de choses à la façon dont on interprète les données, donc sans même données supplémentaires. Typiquement, on parle d'un phénomène qui pourrait arrêter l'inflation de manière prématurée et donc changer complètement l'interprétation qu'on a des observations cosmologiques et donc la vision de quelle théorie est correcte ou pas. On peut utiliser une analogie pour expliquer ce phénomène. L'analogie serait la suivante. On considère une particule chargée, comme un électron, qui est astreinte à évoluer sur une surface plane, et puis soumise à un champ électrique, par exemple, qui tend à piéger cette particule. Ça serait l'analogue de l'inflation telle qu'elle était considérée actuellement. On voit bien dans le cas de la particule chargée que la situation devient plus complexe si, en plus du champ électrique, la particule est astreinte à évoluer sur une surface qui est cabossée, qui est courbe. Dans ce cas, on a une compétition entre l'effet du champ électrique qui tend à piéger la particule et l'effet de la courbure qui aurait tendance à la déstabiliser. Ce que j'ai découvert, c'était qu'on a un tel phénomène dans l'inflation qui peut avoir des conséquences insoupçonnées jusque-là. Eh bien, on va suivre attentivement vos travaux en espérant qu'ils soient fructueux. On vous réinvitera à l'occasion, on l'espère, d'une future publication. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux. Merci à vous. Merci Sébastien Renaud-Pétel. Merci Vincent Vénin d'avoir accepté notre invitation. Je vous rappelle qu'évidemment, vous pouvez retrouver toute cette émission ainsi que toutes les précédentes sur le site de la méthode scientifique sur franceculture.fr. Vous pouvez nous podcast à l'infini par là. Merci beaucoup en tout cas à toute l'équipe de la méthode scientifique. Antoine Beauchamp, Sarah Higeman, Céline Lozen, Eve Etienne, Nomi Naguette Saint-Vulfranc, Sonia Leglen à la réalisation et Jacques Azubert à la technique. La suite de vos aventures sur France Culture, dans un instant, le deuxième épisode de la série documentaire de la semaine, Écrire l'amour par Virginie Bloch-Lenné et Clotilde Pivin. Tout à l'heure, après le journal de 18h, dans Le Grain à Moudre, Hervé Gardette demandera à ses invités si le fond de l'air est brun en Italie. Et puis pour ce qui nous concerne, demain, nous recollerons tous les objets, les organes, tout y passera puisque nous parlerons de la recherche sur les cols et les bioadhésifs. L'humanité colle depuis qu'elle est humanité. Venez donc adhérer demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.